Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 avril 2019. Voici les grands titres de cette édition. Sept personnes accusées d'être des rebelles rwandais ont été remises ce lundi aux autorités rwandaises par le Burundi. Vous aurez les précisions du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngurikiye. Et puis les prix des produits vivriers ont monté ces deux derniers mois sur les marchés de la province Chibitoke. Notre correspondant Alexis Ndayiragije nous le dira. Et puis à la veille de la célébration de la journée internationale du travail et du travailleur, l'ONG locale Parsem constate que le taux de chômage et le sous-emploi ont augmenté, surtout chez les jeunes, la solution étant toujours la création de l'emploi. C'est Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parsem, qui le dit, vous l'entendrez dans son journal, que nous terminerons par la chronique santé en parlant du paludisme. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. Sept personnes accusées d'être des rebelles rwandais ont été remises ce lundi aux autorités rwandaises par le Burundi. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique explique qu'elles avaient été arrêtées en début de ce mois d'avril, alors que ces personnes étaient armées de fusils. Pierre Ngurikiye, qui justifie que ce n'est pas la première fois que le Burundi pose un tel geste de mon voisinage, espère que le Rwanda va procéder à son tour de la sorte. Suivez Pierre Ngurikiye, qui vient d'être rejoint au téléphone par Placide Niyomwongere. Les sept criminels armés avaient été appréhendés sur le territoire burundais le 8 avril 2019, armés de 5 fusils et d'une radio appelée communément Motorola, un outil de communication pour les forces armées. Depuis l'arrestation, ils avaient subi une enquête et hier, le Burundi a remis officiellement ces criminels à son voisin, le Rwanda, en présence des membres du mécanisme élargi de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui comprenait notamment les représentants des pays comme le Rwanda même, le Burundi, la République démocratique du Congo, la République sud-africaine, le Kenya et la République centrafricaine. Il y avait aussi des représentants de la MONUSCO, de l'autorité du Congo. Par cette remise, le Burundi a voulu montrer encore une fois sa bonne volonté d'assurer le bon voisinage en remettant des criminels, des gens qui avaient l'intention de perturber la sécurité de l'autre côté, et tout en espérant que cette fois-ci, même de l'autre côté, ils vont se ressaisir et nous remettre les criminels. Ce n'est pas la première fois que le Burundi fasse d'autres actions de bon voisinage. Les sept personnes étaient seules, bien ils étaient en bande pour dire que les opérations de poursuite continuent. Les sept personnes ont été appréhendées sur le territoire du Burundi, dans la commune de Mabayi. Ils provenaient de la forêt de Nyungwe de l'autre côté. Ce sont les sept qui ont été appréhendées et qui ont franchi la frontière. Et ce sont les sept qui ont été remises à notre voisin. Pierre Ngurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Et puisqu'on parle de sécurité, une personne a été tuée au cours de cette nuit sur la colline Muhenga, en commune et province Bubanza. La victime du nom de Mouchougourou Gordien, commerçant de fruits, âgé de plus de 60 ans selon sa famille, a été égorgé par des inconnus vers 3 heures du matin à 100 mètres de son domicile. Les voisins racontent que cet homme n'avait aucun problème dans le voisinage et pense plutôt que ce sont des voleurs qui l'ont assassiné, même si le montant de l'argent lui dépouillé n'est pas connu. L'administrateur de la commune Bubanza explique que les mobiles de ce meurtre ne sont pas encore connus et que les enquêtes ont commencé. Je vous l'avais dit, le chômage et le sous-emploi sont des problèmes auxquels fait face la population burundaise en général et les jeunes diplômés en particulier. C'est le constat de l'ONG locale Parsem à la veille de la Journée mondiale du travail et du travailleur. Pour le directeur national de cette organisation, la seule solution reste la création de l'emploi. On écoute Faustin Dikoumana. Il y a d'abord un chômage criant, surtout des jeunes. Les récentes enquêtes des ONG impliquées dans le suivi des questions des points de jeunes ont prouvé que 55% des jeunes sont en chômage en milieu urbain et 45% en milieu rural. Ce sont des chiffres extrêmement élevés. Il y a aussi un phénomène très dangereux. Il y a le sous-emploi. Le sous-emploi, ça veut dire vous vous targuez d'avoir un métier quelque part, vous vous déclarez que vous êtes agriculteur, mais réellement, vous êtes occupé, par exemple, 2 mois, 3 mois sur toute une période d'une année. avec l'aménagement de toute la surface cultivable, 0,5 hectare par ménage. Dans certaines localités, on cultive de 1 mois, 2 semaines, 3 semaines et on termine l'étendue du territoire dont on possède. On se demande le reste de l'année qu'est-ce qu'on fait. C'est ça le sous-emploi. En milieu rural, c'est plus de 42%. Les chiffres sans chiffres de l'ISTEBO. En milieu urbain, c'est plus de 30%. On devait être attentionné par rapport à ces problèmes. Parce qu'un pays frappé par un chômage criant des jeunes et un sous-emploi aussi élevé, comment peut-on avoir un rendement meilleur du travail? Sans oublier d'autres défis secondaires que je vais évoquer qui limitent justement le rendement du travail de qualité. Il y a d'abord un problème national de capacité. Il doit y avoir un plan national de renforcement de capacité pour occuper ces gens justement qui sont en sous-emploi. Il faut. Nous avons beaucoup de travaux qui nécessitent une main d'œuvre vraiment moins qualifiée. Il y a des caniveaux, il y a des routes à réparer, il y a des tourbées de niveau, il y a anti-érosif, il y a des rivières où, qui sont en train d'être par les lits des rivières qui abîment situent ici les ponts. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de travaux. On devrait mobiliser des moyens d'investissement et qui donnent un emploi aussi aux gens les moins qualifiés. Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parsem. La famille du pasteur Modeste Kayihura dit être inquiète de l'incarcération de son enfant. Pelagini Ongere, maire de Kayihura, indique que son fils est détenu à Kirundo sans dossier. La police l'a refoulé récemment avec notamment comme chef d'accusation vivre illégalement sur le sol burundais. Cette famille affirme que ce pasteur est de nationalité burundaise puisque ses parents sont burundais. Cette femme plaide pour la libération de son fils. Suivez. Il est à Kirundo. Il avait été refoulé jusqu'à la frontière. Le Rwanda l'a refusé parce qu'il est burundais. Puis il est retourné. Je l'avoue car je suis sa mère biologique. Même si on fait des enquêtes à Gitobe sur la colline Chole où je suis née, les autorités à la base me connaissent, voire le père de Modeste. J'ai beaucoup d'inquiétudes car on l'a refoulé. Mais pour le moment, il est incarcéré à Kirundo. Je rends visite souvent. Je demande sa relaxation. Il n'a même pas de dossier judiciaire. Je l'ai demandé au procureur, puis il m'a dit qu'il ne sait rien sur l'affaire. Il a fait son école primaire à Bushaza, puis l'école secondaire au lycée Kirundo, depuis la 7e jusqu'en 10e. Le cycle supérieur ici à Bujumbura, l'article 12 de la nouvelle constitution stipule bien les modalités d'acquisition de nationalité. Suivant cette loi, Modeste est burundais, car moi, sa mère, je suis burundaise. J'ai tant d'inquiétudes parce que les autorités judiciaires me disent qu'elles lui donnent une simple hospitalité. Je ne comprends pas cette hospitalité. Il faut qu'il soit libéré. Il n'a jamais comparu. Ma préoccupation est qu'une fois il disparaisse, qui en sera responsable? Qu'il soit libéré. Et s'il est coupable, la loi sera appliquée. Depuis Bujumbura, il est arrivé à la frontière à 22h, puis il a été projeté, arguant qu'il est burundais. J'affirme qu'il est burundais. Et au parquet de la République à Kirundo, l'on nous a renvoyé à la police, au ministère de la Sécurité publique, qui déclare que la mesure est irréversible. Pierre Ngouli, qui est porte-parole de son ministère, explique que les concernés se chargent de la mise en exécution de la décision. Les prix des produits vivriers ont monté ces deux derniers mois sur les marchés de la province Cibitoke. Les marchands détaillants expliquent que ces produits sont achetés à des prix élevés, raison pour laquelle ils sont revendus chers. Le directeur provincial en charge de l'agriculture reconnaît que le riz n'est pas disponible dans les champs, le haricot non plus. Alexis Ndairagije. Dans deux mois seulement, les prix des denrées alimentaires se sont vus monter. Le haricot qui s'achète à 1200 francs pour le kilo s'achète à 1400 francs pour. Le riz s'achète à 1450 au lieu de 2250. Le kilo du maïs s'est monté de 1000 francs pour, allant de 500 francs pour à 600 francs pour. Un régime de banane qui s'achetait à 800 francs pour s'achète à 1200 francs pour. La tomate qui s'achetait à 500 francs pour s'achète à 1000 francs pour. Les fruits étant non disponibles dans certains marchés. Les acheteurs indiquent qu'ils ont du mal à acheter ces produits qui sont chers pour le moment. Là, c'est surtout les fonctionnaires qui affirment qu'il est difficile de joindre les deux bouts du mois. Les marchands détaillants indiquent qu'ils achètent ces produits de première nécessité à des prix élevés, que c'est pour cela qu'ils les revendent cher. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, Madame Béatrice Nyabenda, donne un exemple du riz qui n'est pas disponible dans les champs. Pour le haricot, Madame Béatrice Nyabenda, directrice provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Cibitoke, précise que c'est dans une période transitoire qu'on attend la récolte. À part cela, elle indique que les commerçants venant d'autres provinces, autres que Cibitoki, qui se procurent des produits vivriers à Cibitoki, font objet de ces montées de prix de première nécessité. Les producteurs de Cibitoki n'étaient pas en mesure de garder les réserves chez eux. Depuis Cibitoki, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Le décret-loi régissant le Fonds national d'investissement communal FONIC de 2013 devrait être amendé puisque le FONIC a connu de nouvelles orientations depuis 2015 comme l'accompagnement des communes dans la gestion des 500 millions alloués à ces communes par l'État. C'est une suggestion du sénateur Martin Nineretse, représentant légal de l'Association burundaise des élus locaux. C'est après que le député Daniel Gelaz Ndabirabe ait proposé que le cahier des charges du FONIC soit modifié. Ce sénateur propose de son côté de tenir des réunions d'évaluation afin que le FONIC réponde aux préoccupations de la population. Suivez-le au téléphone avec Marie-Claire Cazenez. Le cahier de charges du FONIC pouvait être changé dans le sens de l'évolution de la société burundaise. C'est tout pratiquement que le décret qui organise le FONIC date de 2013. C'est pas donc au moment de la mise en place de ce décret et d'autres textes réglementaires qui en découlent, il n'y avait pas d'appui budgétaire de 500 millions par commune qui est octroyé chaque année du niveau central au niveau périphérique. Aujourd'hui, la donne a changé parce que depuis 2015-2016, chaque commune a droit à une enveloppe de 500 millions qui facilite la remise en œuvre du programme de développement. Depuis 2016 alors, 2017, nous avons assisté à un développement des infrastructures. Mais à partir de l'année passée, le président de la République a donné des orientations claires pour l'utilisation de ces fonds. Depuis lors, le FONIC a accompagné les communes, mais curieusement, il peut y avoir des lacunes au niveau de cet accompagnement-là. Parce qu'au moment de la création du FONIC, cette mission n'était pas là. Et actuellement, on veut que la commune utilise ces fonds-là, ces 80%, c'est-à-dire qu'ils devraient être utilisé par les ménages pour le développement local. Bon, ce qui devait être fait, à mon entendement, il faut la réunion d'évaluation, surtout l'émission du FONIC et la remise en application et voir si on est satisfait de leur mission, si on est satisfait au maintien de ces missions-là. Si on n'est pas satisfait sur un point ou sur un autre, on va élargir afin qu'on dote du FONIC les compétences requises qui répondent aux préoccupations de la population. Et les enseignements universitaires ne seraient utiles que s'ils permettent à ces bénéficiaires de développer leur pays, selon le recteur de l'Université du Lac à Tanganyika, lors d'une rencontre interuniversitaire ce mardi. Le professeur Évariste Ngaïmhenda ajoute que cette rencontre a été initiée dans le but de lancer le deuxième cycle de l'enseignement universitaire dans les universités privées. Suivez-le. Nous sommes en train de monter l'Université des Grands Lacs, l'Université Marquette King et l'Université du Lac Tanganyika, un projet commun de lancement du deuxième cycle des études universitaires, c'est-à-dire le cycle de master. Et si ce projet devait aller de l'avant, nous aimerions aussi le partager avec nos collègues du Congo, en commençant par l'Université libre des Grands Lacs, qui est déjà une université qui développe un partenariat avec l'Université Marquette King depuis un certain temps, et un partenariat auquel nous-mêmes nous voudrions nous intégrer en tant qu'Université du Lac Tanganyika et Université des Grands Lacs. Lors de cette rencontre, nous avons vu que vous avez organisé cet atelier autour du thème paix et développement. Pourquoi alors ce choix ? C'est un choix dont je crois la pertinence se défend d'elle-même parce que la paix est un préalable à tout développement de quelque nature que ce soit. Où que vous soyez et quelle que soit l'époque que vous considériez, il est illusoire de penser au développement lorsque vous n'avez pas une quiétude minimale. La paix, c'est le socle du développement et si on veut le développement, il faut absolument asseoir la paix. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas avoir la paix sans le développement. Et comme vous le savez, nous sommes dans une région assez régulièrement mouvementée et que ce soit les Burundais ou les Congolais, la thématique de la paix est une thématique absolument stratégique. Y aura-t-il disparité entre ce thème et la qualité de l'enseignement attendu à l'endroit de vos étudiants? Forcément, et c'est la raison pour laquelle vous avez des thématiques transversales dans nos enseignements. Je sais que dans toutes les universités, on a toujours un module autour des questions éthiques, autour des questions de bonne gouvernance. Et par rapport à ces thématiques, on insiste toujours sur la nécessité et l'utilité de l'apprentissage et de la maîtrise du vivre ensemble. Évariste Ngaïmenda, recteur de l'Université du lac Tanganyika, au micro de Vestine Boutoui. Des jeunes ne sont plus inquiets face au sida, mais ont peur des grossesses non désirées. Ce constat a été fait par des jeunes membres du club santé au lycée communal Mounagano en commune Muyinga. Le médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga en appelle à la vigilance des jeunes, l'Occident restant une pandémie. Et avant la chronique santé, un point sur l'actualité internationale. Et c'est pour vous dire qu'au Japon, après 30 ans et 5 mois d'un règne marqué par sa proximité avec le peuple, l'empereur japonais Akihito abdique ce mardi. Son fils aîné, le prince héritier Naruhito, prend sa succession. Et c'est une première en 200 ans. À la tête de la dynastie la plus ancienne du monde, l'homme de 84 ans a gagné l'admiration du peuple japonais, écrit France 24, notamment par sa volonté de briser au cours de ses 30 ans de règne la rigueur de la tradition qu'accompagnait son rôle. Alors que l'empereur était considéré comme un demi-dieu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient l'interdiction de le regarder dans les yeux. Et celui qui devient le 1er mai, demain donc le 126e empereur du Japon, promet de s'inscrire dans la lignée de son père, continuant à dépoussiérer le trône. Car, comme son père, Naruhito, 59 ans, s'est marié à une roturière, Masako, ancienne diplomate et brillante diplômée de Harvard. Place maintenant à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Le paludisme est dû à des parasites du genre Plasmodium, transmis à l'homme par des piqûres de moustiques anopheles femelles infectées. La directrice du Programme national de lutte contre le paludisme dit que les maux de tête ou les vomissements sont certains des signes de cette maladie. Docteur Jeanne d'Arc Nilanyuagira explique que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus atteints du paludisme. Les détails dans cette chronique santé de Ornella Mucho. Il existe deux types de paludisme, l'un qualifié de simple et l'autre de grave selon les symptômes du patient. Comme l'indique la directrice du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Jeanne d'Arc Nilanyuagira, explique que les premiers symptômes, dont la fièvre et les céphalées, apparaissent en général après une dizaine de jours après la piqûre de moustique. Le paludisme grave se présente à la fièvre, mais une fièvre qui est élevée et une fièvre qui ne cède pas aux antipyrétiques. Les antipyrétiques, c'est-à-dire des médicaments et d'autres médicaments pour baisser la fièvre. Mais il y a aussi d'autres signes physiques. On peut voir qu'il a des yeux qui sont jaunes. On peut aussi trouver, quand on regarde sur la pulpe du doigt, que le malade a une pâleur. Mais aussi, il y a un autre signe. Le malade va te raconter que les urines sont comme du sang. Les adultes, quelquefois, ils peuvent tomber dans le coma. Ce sont aussi des gens qui vont te raconter que pendant la nuit, ils font des propos incohérents. Ou bien tu peux être avec lui et quand tu parles avec lui, tu lui poses une question, il va te répondre une autre réponse qui est tout à fait différente de la question que tu lui as posée. Chez l'enfant de moins de 5 ans, les enfants vont faire des convulsions. Les provinces qui cultivent le riz, le traçage des routes et l'exploitation des minéraux créent des conditions favorables pour la multiplication des moustiques. Docteur Nilanyuagira souligne également que les enfants de moins de 5 ans représentent l'un des groupes les plus vulnérables touchés par le paludisme. Les enfants de moins de 5 ans, ils sont beaucoup plus touchés parce qu'ils n'ont pas encore développé une immunité acquise. Ils n'ont pas encore été en contact avec le parasite pour que leur organisme développe des anticorps. Ils ont des anticorps, mais ces anticorps n'ont pas encore rencontré l'ennemi qui est le parasite ou le Plasmodium falciparum. Alors, ils sont beaucoup plus touchés. Mais il y a aussi les femmes enceintes. Normalement, une femme qui est enceinte, c'est une femme dont l'immunité est partagée entre elle-même et son fœtus. Alors, quelque part, part, on sent que l'immunité, les anticorps sont un tout petit peu réduits parce que aussi la femme enceinte se trouve dans un état de faiblesse. L'analyse du sang au microscope est le moyen sûr pour diagnostiquer le paludisme. Ces signes doivent être confirmés par en réalisant un examen de confirmation du paludisme. Lesquels examens se font de deux manières. On peut faire un examen rapide auquel on a un résultat après 15 minutes en faisant le test de diagnostic rapide, ce qu'on appelle communément le paracheck. Ça nous permet d'avoir un résultat dans un très court délai de temps pendant 15 minutes. Mais il y a aussi un autre examen qu'on fait avec la microscopie où on prélève une goutte de sang, on met sur une lame et on examine à l'aide d'un microscope. Il prend au plus 2 heures. La microscopie en cas de paludisme grave et nous permet de mesurer ou d'évaluer la densité des parasites, c'est-à-dire l'importance des parasites qui sont dans une goutte de sang. Dans notre prochaine chronique santé, la directrice du programme national de lutte contre le paludisme nous parlera du moyen de prévention contre le paludisme ainsi que des risques en cas de non-traitement de cette maladie. Merci Ornella Mucho, merci Dr Jeanne d'Arc Niragne Wagira pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.